Would you like to ski Antarctica? Vous voulez skier dans l'Antarctique? But you're snowed under with work. Mais c'est l'avalanche de travail. Do you dream of a vacation? Vous rêvez de vacances au fond de l'océan? But you can't float the bill. Mais vous croulez sous les dettes? Have you always wanted to climb the mountains? Vous avez déjà eu envie d'escalader les montagnes de Mars? But now you're over the Et vous êtes maintenant sur une mauvaise pente? Then come to Recall Incorporated. Alors, venez chez Recall pour vous offrir le souvenir de vos vacances de rêve. Moins cher, mieux réussi que les vrais, ne passez pas à côté de votre vie. Appelez Recall, offrez-vous le souvenir de votre vie. Paul Verhoeven, cinéaste de l'ironie, aujourd'hui, Total Recall, comment réaliser ses rêves les plus tordus. Dad? Honey, are you all right? T'es arrivé? Aussitôt réveillé, il eut envie de Mars. Ces vallées, songea-t-il. Comment est-ce d'enfouler le sol? Le rêve prenait de l'ampleur à mesure que la conscience lui revenait. Le rêve est le désir ardent. Il sentait presque la présence enveloppante de cet autre monde que seuls les agents du gouvernement et les personnalités haut placées avaient pu visiter. Les petits fonctionnaires comme lui n'avaient que très peu de chance d'y aller. Il s'assit à la table et sortit une petite boîte jaune d'excellent tabac à priser de marque Dean Swift. Il inhala énergiquement et le mélange Beau-Nash lui picota le nez avant de lui embraser le palais. Il continua quand même à renifler. Ça le réveillait et permettait à ses rêves, ses désirs nocturnes, ses aspirations aléatoires de se cristalliser en revêtant un semblant de cohérence. Un jour j'irai, se dit-il. Je verrai Mars avant de mourir. C'était impossible, bien sûr, et il le savait pertinemment, si rêveur qu'il fût. Pourtant, la lumière du jour, le bruit si banal de sa femme qui se brossait les cheveux devant le miroir de la chambre à coucher, tout contribuait à lui rappeler ce qu'il était en réalité. Un minable petit salarié, se dit-il amèrement. Kirsten le lui rappelait au moins une fois par jour, et il ne pouvait pas le lui reprocher, aux épouses de ramener les maris sur terre. Sur terre, s'esclaffa-t-il. C'était le cas de le dire. Bonjour Nicolas Pariseur. Bonjour. Vous êtes réalisateur, vous avez été critique, on vous doit le film Alice et le maire qui est sorti en 2018, on vous doit plus récemment des épisodes de l'excellente série diffusée sur Arte En Thérapie. Alors je me permets de le dire, a priori quand même, l'esthétique, les thématiques des films de Paul Verhoeven n'ont rien à voir avec les vôtres. On ne trouve pas dans votre cinéma de sang, de monstres, de science-fiction, des scènes de sexe violentes. Alors qu'est-ce qui peut vous plaire tout particulièrement dans ce film Total Recall? Qu'est-ce qui peut me plaire dans Total Recall? Avant d'être réalisateur, je suis cinéphile et j'essaye d'avoir, des goûts variés, divers, et de ne pas aimer que Sacha Guitry et Éric Rohmer, disons. Et puis il y a aussi quand même le fait que je suis quelqu'un qui a aimé le cinéma très tôt et qui donc a rencontré le cinéma hollywoodien très tôt. Et que ma cinéphilie première est une cinéphilie de films d'action, de science-fiction américains. Total Recall est, disons, éloigné de ce que je fais aujourd'hui comme film, mais n'est pas éloigné de la porte d'entrée qui a été la mienne pour quand j'avais, je sais pas, 7 ou 8 ans. C'est quand même si le film est violent, même si le film a une brutalité dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est liée à la personnalité et au style de Paul Verhoeven, c'est quand même un film pour enfants de science-fiction avec des poursuites, etc. Alors il se trouve que la première fois que j'ai vu le film, j'étais au lycée, donc je devais avoir 15 ou 16 ans, et c'est un film qui m'a pas plu parce que en fait j'étais presque déjà passé à un goût adolescent, et je préférais, enfin, je savais que c'était une adaptation de Philip K. Dick, je trouvais que le film était de mauvais goût par rapport à un film comme Blade Runner, par exemple, qui de prime abord est visuellement plus satisfaisant, moins ingrat, et qui a quelque chose, comme il a quelque chose de moins trivial, quand on est adolescent, on a l'impression que c'est du plus grand art que le film de Verhoeven. Donc c'est un film que j'ai commencé par ne pas aimer. En plus, le film avait été... je lisais beaucoup les critiques à l'époque. Enfin, je les lis encore maintenant beaucoup, mais disons, je lisais beaucoup les critiques au lycée. Et le film avait été éreinté par la presse, et notamment par les cahiers du cinéma. Et je me souviens très bien, ce qui m'avait convaincu que le film était mauvais, c'est qu'il disait, on a l'impression que ça se passe à l'Hippo Citroën, hein, sur les Champs-Élysées. Et donc ils trouvaient le film visuellement hideux, et je m'étais dit non, mais ils ont raison, le film est vraiment pas possible. Schwarzenegger, je n'aimais pas du tout Schwarzenegger à l'époque, ça m'intéressait pas du tout, et bon voilà, j'avais beaucoup aimé Robocop, j'avais pas aimé celui-là, et puis on n'en parlait plus, et puis même j'avais raté, j'étais même pas allé voir Basic Instinct ensuite. Donc Verhoeven est quelqu'un, disons, qui m'a intéressé beaucoup plus tard. Et on y reviendra peut-être, disons, mais presque en regard d'autres cinéastes hollywoodiens, comme quelqu'un comme Robert Aldrich, qui est un cinéaste que j'aime énormément, et qui a avec Verhoeven de nombreux points communs, notamment le fait de présenter des héros qui sont, pour le dire mal et vite, disons, par-delà le bien et le mal, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni gentils ni méchants. Et ce que filme Aldrich ou Verhoeven, c'est avant tout une espèce de vitalisme des personnages. Et ce qui est impressionnant et infiniment précieux dans le cinéma de Verhoeven, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui filme presque des pulsions de vie et où ces pulsions de vie font récit et où où cette puissance là remporte le morceau systématiquement. Voilà. Mars military restored order with minimal use of force, and all damage to the strategic facility was repaired within hours. Une première mine étant d'ores et déjà fermée, l'administrateur de Mars, M. Vilos Cohagen, a déclaré qu'il aurait recours à la troupe si la situation l'exigeait, afin de maintenir une production optimale. Lors de sa conférence de presse... Pas étonnant que tu fasses des cauchemars, tu regardes toujours les nouvelles. Laurie ? Oui ? Et si on le faisait ? Faire quoi ? Déménager sur Mars. Chérie, pourquoi il faut que tu gâches une matinée qui avait aussi bien commencé ? Tu pourrais y réfléchir. Chérie, on en a parlé des centaines de fois. Je suis sûre que tu détesterais Mars. C'est sec, c'est laid, on s'y ennuie. En plus, c'est vrai. Une révolution peut éclater d'une seconde à l'autre. Cohagen dit que c'est un petit groupe d'extrémistes. Et tu le crois vraiment ? D'accord, on n'en parle plus. Ce journal est terminé. Dans un instant, la vidéo avec Christine. Mais d'abord, écoutez. Ce soir sur SPN, le dernier match de la Coupe du Monde en direct de Tokyo. Ne ratez pas les samouraïs de Tokyo qui vont tenter de remporter leur... C'est dur de s'adapter à une nouvelle ville, mais fais un effort, accroche-toi. Tu ne comprends pas ce qu'il y a. Au fond, moi, j'ai l'impression d'être fait pour autre chose. Je veux davantage, je veux être quelqu'un, faire quelque chose de ma vie. Faire quelque chose de ma vie, ça va être l'argument de départ, mais l'argument central quand même de cette histoire de Total Recall, du personnage de Doug Quaid interprété par Arnold Schwarzenegger. Et Arnold Schwarzenegger, on se demande un petit peu ce qu'il fait dans ce film au départ. C'est-à-dire que autant on comprend par la suite, c'est un film d'action, de science-fiction, c'est un film très physique, avec beaucoup de scènes d'action, mais au tout départ, Arnold Schwarzenegger, c'est un petit peu comme dans le texte qu'on a entendu de Philip K. Dick, c'est le petit salarié un peu minable, avec sa femme... femme au demeurant sublime incarnée par Sharon Stone, mais vraiment on se demande ce que fait là Arnold Schwarzenegger, ce petit mec qui a quand même des gros muscles, et on se demande comment en fait Schwarzenegger se retrouve dans ce projet à incarner un mec aussi normal. En fait, il faut bien comprendre que dans les années 80 et 90, le système des studios ne fonctionne de manière extrêmement paradoxale, et chaque projet, disons chaque gros projet, est comme un millefeuille qui conserve en lui un empilement d'étapes de projets et où chaque projet garde la mémoire de l'étape d'avant. Au départ, ce qui se passe, c'est que je pense qu'on va, faut revenir à Blade Runner parce que c'est le moment où Philip K. Dick devient désirable pour les producteurs américains en se disant il faut acheter des droits de romans ou de nouvelles de Philip K. Dick. Sauf que je pense qu'ils n'ont absolument aucune idée de qui est Philip K. Dick. Et pour eux, Philip K. Dick, c'est les immeubles majestueux de Blade Runner, donc quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Et comme à la suite de Star Wars, il faut produire des films de science-fiction, et ben on achète des droits de nouvelles de science-fiction de Philip K. Dick, alors que on le sait, enfin Philip K. Dick, c'est de la science-fiction qui n'est pas du tout spectaculaire. C'est de la science-fiction où les personnages principaux sont systématiquement des gens très modestes qui vivent en général dans des petites villes. Et certes, il y a des touches de science-fiction, il va y avoir des voitures qui volent ou des choses qui vont indiquer qu'on est au XXIe siècle. Mais Philip K. Dick est quelqu'un qui s'attache à décrire des vies très quotidiennes de personnages assez ingrats dans des situations plutôt. Enfin, c'est quelqu'un qui ne met jamais en scène des héros. Comme Frank Herbert ou Isaac Asimov montreraient des héros dans des mondes gigantesques. Ça ne colle pas du tout avec Schwarzenegger. Donc à ça colle pas du tout. C'est vraiment le personnage de Terminator. Voilà. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on achète. Il y a un producteur qui achète les droits de ce roman, probablement sur un malentendu, sans l'avoir lu, en fait, de cette nouvelle. Bon, il y a quand même des gens qui à un moment donné s'attellent à une adaptation en scénario, et là il y a quelque chose qui semble à peu près rationnel, qui est de prendre Richard Dreyfuss, donc qui est l'acteur de Rencontre du troisième type, qui est un acteur qui doit mesurer, je sais pas, 1m70, qui est tout à fait crédible en Monsieur Tout le Monde. Et après, on peut tout à fait imaginer que ce Monsieur Tout-le-Monde sera ensuite plongé dans une intrigue rocambolesque. Mais ensuite, on attache au film un réalisateur qui est David Cronenberg, alors qui déjà, disons, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui, enfin, comme il vient d'adapter Stephen King et que le film a marché, on le dit, il va adapter du Philip K. Dick, mais déjà, ça paraît un peu bizarre. Assez rapidement, Cronenberg, je pense, ça se passe mal avec les studios, donc il s'en va du projet. Et en fait, le film, son adaptation de Total Recall existe, puisque on peut dire que Existence, c'est un film qui a une dimension dickienne évidente, et que probablement, Cronenberg a voulu continuer ce projet-là en faisant un autre film. Donc il y a tout un tas d'étapes. Richard Dreyfuss s'en va, il est remplacé par Patrick Swayze qui a un corps déjà moins banal que celui de Richard Dreyfuss. Et puis on arrive effectivement probablement à la fin des années 80 à un corps absolument délirant qui est celui de Schwarzenegger. Et je ne sais pas si Schwarzenegger est particulièrement fanatique de la nouvelle, mais disons que c'est un projet qui est dans les tuyaux hollywoodiens, c'est un film de science-fiction, c'est potentiellement un très gros film. Il a probablement envie, Schwarzenegger, d'être la vedette d'un gros film de science-fiction qui serait très cher et très spectaculaire. Peu importe que la nouvelle de départ n'ait absolument rien à voir avec ce désir-là. Et comme il vient de voir Robocop, qui est donc le premier film de studio, premier film américain à part entière de Verhoeven, et qu'il a aimé probablement la violence, la brutalité de Robocop, il choisit, en réalité, en dépit du bon sens... Pourquoi en dépit du bon sens? Mais parce que choisir Verhoeven en dépit du bon sens. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a énormément de bons films américains dans ces années-là qui ont été faits en dépit du bon sens. Mais comme c'est ce qui est beau dans un film, c'est qu'il y a une part industrielle qui est nécessaire pour qu'on ait l'impression qu'il y a un vaisseau qui atterrit sur Mars. Mais disons ce qui va différencier un navet ou un film académique d'un bon film. C'est quelque chose qui n'a pas à voir avec une décision rationnelle. Et la décision de demander à Paul Verhoeven, qui est un cinéaste très physique, pas intellectuel vraiment, de même dans le refus de ça, hein, voilà, faut dire. D'adapter un des auteurs américains les plus intellectuels, qui est Philip K. Dick, il y a quelque chose, disons, il y a une incompréhension soit de Paul Verhoeven, soit de Philip K. Dick. En tout cas, il y a quelque chose d'absolument aberrant. Mais toujours est-il que Paul Verhoeven, on lui propose le scénario. Et il vient d'arriver, et c'est quand même un scénario qu'on peut, enfin, un projet qu'on peut difficilement refuser. Schwarzenegger est en train, alors il n'est pas encore l'énorme star qu'il est devenu après Terminator 2. Enfin, il s'apprête à devenir vraiment une très grande vedette. C'est un film à très gros budget. Au point budget. De pouvoir porter quand même un film. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais disons qu'avec Terminator 2, il devient pratiquement la plus grande star du monde. Là, il est à l'étape. Juste avant. Il est dans les 5-6 très grandes stars américaines. Et donc, c'est Paul Verhoeven, je pense que quand il accepte de tourner le film, c'est avant tout, disons, sur le statut que le film va pouvoir lui apporter, davantage que sur une adhésion au projet. Il y a un très beau livre qui est sorti cette année, qui est l'autobiographie de Richard Fleischer, et qui a un titre magnifique, qui est « Survivre à Hollywood ». C'est-à-dire que, quand même, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait des films à Hollywood et à un niveau comme ça, avec les plus grandes stars, avec des très gros budgets, comment faire pour survivre à Hollywood? Il faut choisir les bons projets. Il y a quelque chose de très politique là-dedans. Ouais, mais enfin, faut pas seulement choisir que les bons projets, parce qu'à vous écouter, Nicolas Parizeau, quand même, donc le film est hideux. Il reste rien du côté intello de Philippe K. Dick. Les producteurs, l'acteur n'ont rien à voir avec cet univers. Verhoeven est mis sur le projet un petit peu malgré lui, juste pour survivre. On se demande en fait, qu'est-ce qui reste pour que ce film, malgré tout, soit, comme vous l'avez dit, un bon film, ni un AV, ni un film académique. Ben, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, à un moment donné, la manière, on va dire, dont Paul Verhoeven va essayer de rendre le projet cohérent, cette manière-là va rendre le film passionnant. C'est-à-dire que c'est en essayant de rendre cohérent tout un tas d'éléments extrêmement disparates et extrêmement aberrants que le film va trouver son chemin. Et moi, j'ai l'impression que, disons, chaque film a un endroit secret, enfin, et cet endroit secret a à voir avec l'inconscient du metteur en scène, et disons, on va dire, l'inconscient de Paul Verhoeven est suffisamment puissant pour transformer un projet aberrant que l'adolescent que j'étais n'a pas vu. Enfin, j'ai vu que c'était un projet aberrant, mais j'ai pas vu que Paul Verhoeven l'avait rendu cohérent et habité. Donc voilà, donc il y a quand même que Paul Verhoeven a réussi à insuffler dans le film une cohérence et une beauté paradoxale qui fait que le film aujourd'hui est un film que j'aime énormément. Basic Mars package will run you 899 credits. Now that's for 2 full weeks of memories, complete in every detail. Pour un voyage plus long, c'est un peu plus cher parce que l'implant est plus profond. Et c'est quoi le forfait de semaine? D'abord, laissez-moi vous dire une chose, chez Recall, c'est du souvenir premier choix qu'on vous propose. Cabine individuelle dans la navette, somptueuse suite au Hilton, visite guidée, le Mont Pyramide, le Grand Canal et bien entendu, Vénusville. Oui, mais franchement, ça a l'air vrai. Aussi vrai que n'importe lequel de vos souvenirs. Voyons, ne vous foutez pas de moi. Ah non, je vous assure, votre cerveau ne fera aucune différence. C'est garanti, vous êtes remboursé. Et le mec que vous avez lobotomisé, il a été remboursé? Ça, c'était le Moyen-Âge. De nos jours, quand on voyage avec Recall, on risque moins qu'en prenant une fusée. Regardez ces statistiques. Quand vous voyagez avec Recall, tout est parfait. Alors, ça vous dit? Ça marche. Bien joué, Doug. Dites-moi, quel est le seul et unique point commun à toutes les vacances que vous ayez jamais prises? Là, je vois pas. C'est vous! Vous ne changez pas. Peu importe où vous allez, où vous êtes, c'est toujours le même vous. Si je peux vous donner un conseil, partez en vacances loin de vous. Oui, je sais, ça paraît extravagant. C'est le dernier cri du tourisme. On appelle ça la croisière ego. Oh non, ça ne me dit rien du tout. Ah, ça vous emballerait, j'en suis sûr. Nous vous proposons un éventail d'identités de rechange à endosser le temps d'un voyage. Alors pourquoi aller visiter Mars en tant que touriste quand vous pouvez être un playboy, un sportif célèbre ou un... Agent secret. C'est combien, agent secret? Ah, laissez-moi vous allécher. Vous êtes un espion de premier plan opérant avec une couverture en béton. C'est votre mission la plus importante. Vos ennemis veulent vous tuer. On vous tire dessus de partout. Vous tombez sur une magnifique créature exotique. Continuez. Oh, je ne vais pas vous gâcher le plaisir, Doug. Mais vous pouvez être sûr qu'avant la fin du voyage, vous emballez la fille, vous tuez les méchants et vous sauvez toute la planète. Alors, dites-moi, vous ne trouvez pas que ça vaut 300 malheureux crédits, ça ? France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna, Savoie. J'espère que les auditeurs et auditrices ont été bien attentifs aux dernières minutes, à la dernière réplique de cet extrait de Total Recall, puisqu'en fait, on a tout le film qui est déroulé. On a la fin, en fait, on vient d'entendre la fin du film et on est à seulement 11 minutes du film. Alors, on l'a entendu, on en a parlé. Donc, Arnold Schwarzenegger, Doug, sent qu'il est fait pour autre chose. Il a envie de devenir quelqu'un et il va donc voir cette boîte de rêve qui s'appelle Recall. Et il tente, dans Recall, d'essayer de faire un ego trip, en fait, de devenir autre chose que lui-même, mais juste le temps d'un rêve. Et ça va donc être toute l'intrigue première du film, savoir si Doug est dans un rêve ou s'il est dans la réalité, qu'est-ce qui relève de son ego trip et qu'est-ce qui relève du réel. Et effectivement, là, on a tout entendu dans ce simple extrait, Nicolas Pariser. Oui, il y a quelque chose, en fait, de... cet élément de l'intrigue a une signification dans le roman et dans l'univers de K. Dick, et une autre... je pense chez Verhoeven, chez Philip K. Dick, il y a ces idées, c'est cette idée, disons, des existences parallèles, des états de conscience différents. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est lié à c'est un traumatisme de Philip K. Dick de savoir qui est mort, qui est vivant. Enfin voilà, donc ce sont des choses très mentales. Et donc, l'état de rêve l'invention de mémoire qu'on grèverait à quelqu'un, ce sont des thèmes extrêmement dickiens. Et donc, quand on l'entend comme ça dans le film, on se dit tiens, effectivement, le rêve, l'implantation de mémoire, etc. Ce sont des thèmes de science-fiction de Philip K. Dick. Je pense que c'est quelque chose qui n'intéresse pas beaucoup Paul Verhoeven, et Paul Verhoeven fait quelque chose qui dans le film a une toute autre signification, qui est que en gros je vais vous raconter toute l'histoire du film, c'est-à-dire je vais faire quelque chose qui dans les règles du récit hollywoodien est une abomination absolue, c'est-à-dire que je vais raconter toute l'histoire du film tout de suite. Saboter le suspense. Il n'y aura en tout cas aucune surprise de ce côté-là. Donc l'enjeu du film sera absolument pas du tout de raconter une histoire, alors que l'obsession des producteurs américains et de toute l'industrie disons des images aux États-Unis, c'est le storytelling, c'est qui raconte bien les histoires et qui les raconte mal. Et c'est sûr que de commencer le film en racontant la totalité du film, c'est comme gâcher toutes ses munitions dès le départ. Et donc par ce geste, Verhoeven, dans sa première super production, fait un geste absolument fou, qui est de dire voilà toute l'histoire du film. C'est-à-dire si on rapportait ça à la guerre des étoiles, c'est comme si au bout de 10 minutes quelqu'un disait voilà, il va rencontrer un type, ils vont sauver la princesse, ils vont détruire l'étoile noire, ils vont rentrer chez eux. C'est que ce qui intéresse Verhoeven n'est absolument pas l'histoire. Et même cette histoire d'agent secret, d'implantation de mémoire, etc. Il va traiter ça. Je dirais pas qu'il va traiter ça par-dessus la jambe. Enfin, disons, ça va pas du tout être ça. Et donc, qu'est-ce qui reste une fois que on a évacué cette problématique, qu'on a épuisé en trois phrases. Il reste de filmer le corps de Schwarzenegger qui est lourd. En même temps athlétique, enfin extrêmement étrange, et on va filmer sa pulsion vitale, la manière qu'il va avoir envie de survivre à travers tout un tas de péripéties, et puis arriver sur Mars, on va filmer tout un tas de pulsions vitales qui vont s'entrechoquer les unes les autres, d'où la violence du film, d'où le fait qu'il y a des corps extrêmement difformes, Schwarzenegger étant lui-même un peu difforme, et donc il va y avoir quelque chose d'un peu carnavalesque, étrange, bizarre, et Alors, dans un premier temps, visuellement ingrat, mais en fait. Oui, alors revenons-en à cette idée d'ingratitude et de quelque chose de laid. C'est ce que vous avez dit, et finalement, on peut aussi se dire que ces corps déformés, on va en reparler encore un peu après, parce qu'il y a d'autres extraits qui s'y prêtent pour soulever ce point-là. Mais effectivement, l'aberration dont vous parliez, Nicolas Parizeur, fait tout le sens du film. C'est-à-dire que la problématique philosophique, ça n'est pas qu'est-ce qui relève du rêve, qu'est-ce qui relève de la réalité. Peu importe, tout est image, qu'elle soit vraie ou fausse, et ces images-là sont totales et elles nous montrent des choses monstrueuses et aberrantes. Et c'est ça, en fait, le premier, le véritable problème philosophique soulevé par Paul Verhoeven. Mais de toute façon, Paul Verhoeven, il va à l'encontre, disons, de ce cliché un peu sur le cinéma, qui est que ce qui est important, c'est le hors-champ. C'est-à-dire que pour le coup, Paul Verhoeven, il montre absolument tout. Et je pense que pour vraiment bien comprendre ce qui se joue dans Total Recall, il faut peut-être revenir au dernier film de Paul Verhoeven en Hollande, qui est Spetters. Qui est un film assez rare, mais qu'on peut voir, qui existe en DVD, en Blu-ray, enfin, qui est un film extrêmement sauvage, extrêmement violent, et qui se passe, disons, dans la jeunesse hollandaise prolétaire à la fin des années 70. Ce sont des gens qui veulent faire de la motocross, plutôt. Qui vont dans des discothèques, qui ont une esthétique comme ça, très presque air d'autoroute, quelque chose qui aujourd'hui et qui, je pense déjà à l'époque, avait quelque chose de, qui agresse un peu les yeux. Et pourtant, toutes les trajectoires des personnages de ce film, qui est aussi un très grand mélo. Mais un mélo à la sauce Verhoeven, c'est-à-dire avec beaucoup de sexe, beaucoup de violence, évidemment un viol, des choses, des bastons, beaucoup de personnages vulgaires. Enfin, oui, parce que c'est très vulgaire. Hein, voilà. Il réussit dans Spetters quelque chose qui est assez extraordinaire, qui est de rendre magnifique une esthétique. Qui, en tout cas à l'époque où le film est filmé, relève très manifestement du mauvais goût. Mais on pourrait très bien se demander aussi, et je vous propose qu'on écoute un extrait qui est plus un extrait d'ambiance, donc il va falloir que vous nous le décriviez, Nicolas Parizeur. On pourrait aussi se demander si ce principe, en fait, de tout montrer, en fait, d'obscénité totale, de pas avoir de position de surplomb, de pas avoir de hors-champ, mais en fait de tout montrer et d'avoir ce principe qui est quand même assez classique en littérature, dont, en gros, c'est un peu à la Baudelaire, quoi. Vous m'avez donné votre bouche, j'en ai fait de l'or. C'est un petit peu ce qui se produit à chaque fois avec Verhoeven. Je vous propose d'écouter cet extrait qui se passe dans l'aéroport. Donc Doug, on ne sait pas s'il est sorti de son rêve, s'il est dans la réalité. En tout cas, il part sur Mars et il arrive à l'aéroport sur Mars. Welcome to the Mars Federal Colony. For your safety and comfort, domes have been installed to protect you from the vacuum outside. Please do not touch exterior windows or airlocks. De plus, le volume d'air est limité. Il est interdit de fumer sur vivant. Remercions et vous souhaitons un agréable séjour sur Mars. Passeport. Monsieur Cohagen va vous voir. Tout de suite. Des nouvelles de Quaid ? Aucune depuis que vous l'avez perdu. Attention à ce que vous dites, capitaine. Nous avons un véhicule pour vous. Combien de temps vous restez sur Mars ? 2 semaines. Regardez-moi ces conneries. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Les Martiens adorent Quato. Ces connards le prennent pour George Washington. Il n'y a qu'à le buter. Personne ne sait qui c'est. Est-ce que vous apportez des fruits ou des légumes sur la planète ? 2 semaines. Excusez-moi ? 2 semaines. Il ne se contente pas de graffiti. Les rebelles ont pris la raffinerie la nuit dernière. Toute la production de turbinium est arrêtée. Ça empire tous les jours. Les rebelles... 2 semaines. Qu'est-ce qu'il fait, ça ? Quaid. C'est Quaid. Ça, la femme, qu'on l'attrape. Arrêtez cette femme. Attrapez-la. Attrape. Tu es prêt pour la surprise? C'est vraiment une scène très drôle, alors il faut que vous nous la décriviez, Nicolas Parisien, même si les bruitages, je dois dire, quand même, sont vraiment époustouflants. Oui, alors, déjà, la première chose, c'est que c'était une des scènes qui, je pense, m'avait déplu à l'époque. Pour le coup, c'est vraiment de l'anti-Ridley Scott, c'est-à-dire c'est... Donc Ridley Scott qui est le réalisateur de Blade Runner. C'est-à-dire que c'est une scène qui est extrêmement éclairée, on voit absolument tout, il n'y a pas un recoin de l'image qui est dans la pénombre, alors que dans Blade Runner, il y a de la fumée et de la pénombre partout. Donc on voit tout le temps, et il y a un effet spécial totalement fou qui consiste... Alors, donc le personnage de Schwarzenegger arrive à l'aéroport de Mars, et en fait on voit que c'est une femme très grande... en surpoids, etc. C'est vraiment l'américaine typique, ça oui. Fait un petit peu penser à ces sculptures de Donaldson, d'américaine typique qui va faire ses courses au supermarché. Exactement, avec une chevelure rousse, frisée, etc. Mais on sent assez rapidement que comme c'est un personnage qu'on n'a pas vu, que probablement c'est Schwarzenegger déguisé d'une manière ou d'une autre. Et à un moment donné, le masque, donc une espèce de masque futuriste que Schwarzenegger, on imagine, a posé sur son visage, dysfonctionne, elle ne peut plus parler. Schwarzenegger appuie sur un bouton et c'est assez difficile à expliquer. Il y a comme le visage s'ouvre en deux, mais avec comme des espèces d'escaliers qui s'ouvriraient de manière latérale. Comme un cylindre avec des lamelles. Voilà, exactement. Et alors moi, l'hypothèse quand on voit l'image, c'est que je pense qu'en fait, il est possible que c'était une idée d'un des ingénieurs des effets spéciaux et qu'il avait prévu ça pour un autre film, parce que ça n'a quand même aucun rapport avec... On sent que c'est placé là. C'est placé là, que ça a été repris dans la bande-annonce parce que c'est quelque chose qui est assez spectaculaire. Et drôle, mais ça n'a aucun rapport avec le reste du film. Donc il est possible que disons, dans le millefeuille que constitue le film, il y a quelqu'un des effets spéciaux qui avait prévu cet effet spécial-là pour un autre film de science-fiction. Le film ne s'est pas fait, et donc on le met là. Et puis il y a aussi quelque chose qui est encore plus fou, c'est qu'une fois qu'il retire son masque, il lance son masque à un méchant. Le masque qui s'est reconstitué se met à parler, donc le visage de la femme dit quelque chose. Vous êtes prêt pour la surprise ? Vous êtes prêt pour la surprise ? Et le masque explose. C'est-à-dire que c'est non seulement un masque qui a son autonomie, un masque qui explose. Ce qui est vraiment, dans un film de science-fiction à tant soit peu sérieux, et pour prendre une autre adaptation de Philip K. Dick, qui est un excellent film, qui est Minority Report de Spielberg, ça n'aurait aucun sens de placer là. Donc là, il y a comme une espèce de gag grotesque... Qui est un peu gratuit, qui ne fait pas avancer le scénario. Et qui, pour le coup, déréalise complètement le film. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre, alors là je pense que c'est important, de la bande dessinée. C'est-à-dire, Paul Verhoeven, quand il s'attaque au film, quand il se dit, oh là là, il va falloir que je fasse un film où Schwarzenegger est Monsieur Tout-le-Monde, il va y avoir une course-poursuite à travers une ville souterraine sur Terre, et puis ensuite tout un tas d'événements plus rocambolesques les uns que les autres sur Mars. Il y a quelque chose qui a un rapport avec la bande dessinée et une forme d'inventivité visuelle étrange qui ne relève pas tellement du cinéma, ou en tout cas qui ne relève pas du cinéma classique, mais disons d'inventions visuelles qui viennent d'ailleurs. Alors on a intitulé cette semaine Paul Verhoeven, cinéaste de l'ironie, mais si tout est montré, s'il n'y a pas de zone d'ombre, comme vous l'avez dit Nicolas Parisien, finalement Paul Verhoeven ne montre pas quelque chose pour en fait vouloir montrer autre chose, pour penser autre chose, finalement il montre tout, oui. Tel qu'il montre, il n'y a pas de hors-champ comme vous l'avez dit, mais néanmoins peut-être qu'il y a une forme d'ironie quand même à travers des formes de récits plus traditionnelles, c'est-à-dire que cette scène nous montre bien que parfois on peut mettre une scène gadget qui ne sert pas le récit et qui même vient d'une certaine manière se moquer en fait des films d'action ou science-fiction très construits, très intellectuels, où finalement même le mystère devient quelque chose de beau et d'esthétique. ans, alors que là, Verhoeven va directement dans la laideur, dans le monstrueux, mais, dans l'aberration. Alors, moi, j'ai souvent quand même du mal avec la notion, disons, d'ironie ou la notion qu'un metteur en scène aurait de l'ironie par rapport à ce qu'il filme, parce qu'en général, quand un cinéaste a de l'ironie par rapport à ce qu'il filme, selon moi, c'est qu'il ne croit pas assez à ce qu'il fait, et donc il a une distance qui devient problématique. Mais par contre, là, c'est pas complètement faux, c'est-à-dire que il y a une forme d'ironie de Verhoeven par rapport à l'anecdote du film, par rapport au sujet. Mais je dirais qu'il réussit à transformer l'ironie en une pulsion vitale supplémentaire. C'est-à-dire que le ton d'ironie, c'est pas du second degré, tout est au premier degré, mais le grotesque potentiel d'une scène va rajouter du relief à la scène, va rajouter du relief au récit, va rajouter du relief au film, mais dans un élan vital, dans un élan pas du tout dans un élan distancié, c'est-à-dire que c'est un cinéaste qui est au premier degré, et même quand il y a quelque chose qui paraîtrait éventuellement sophistiqué, qui éventuellement européen, éventuellement intellectuel, ça ne l'est pas. Et je voudrais juste rajouter quelque chose sur la question de la bande dessinée, parce que c'est que on l'a souvent dit, je crois, cette semaine, évidemment il y a une filiation avec Hitchcock, c'est-à-dire que notamment effectivement dans Basic Instinct il y a quelque chose d'Hitchcockien dans le personnage de Sharon Stone, et de toute façon n'importe quel cinéaste de la génération de Verhoeven qui va faire à Hollywood des films, des thrillers, des films où il y a du suspense, etc., va à un moment donné se positionner par rapport à Hitchcock. Et je pense qu'on oublie, parce que en fait Hitchcock, pendant longtemps, Vertigo a été un film très sous-estimé, enfin Sueur froide a été un film très sous-estimé, et puis je pense qu'à un moment donné, il a été tellement aimé, tellement réévalué, qu'il a presque fait oublier une part, je dirais, moins poétique, moins morbide, du cinéma d'Hitchcock, qui est disons le genre de la comédie d'espionnage, avec des films comme Les 39 marches ou La mort aux trousses, qui sont en fait des films de poursuite et qui ont un lien, à mon avis, très évident avec la bande dessinée, notamment avec Tintin. C'est-à-dire que Hitchcock a fait certes certains films morbides, poétiques, comme Vertigo ou Marnie, mais il y a aussi un endroit, je dirais, plus lumineux, qui sont des films qui, comme ils sont plus faciles aujourd'hui, avec où on a une image de Hitchcock comme un immense artiste, quelqu'un qui sera le Lynch, le David Lynch de l'époque, quoi. On oublie le rapport d'Hitchcock à la bande dessinée, et je pense que dans ce film de Verhoeven, il y a quelque chose dans le premier degré, et une inventivité visuelle, plastique, qui a un rapport avec le Hitchcock de La mort aux trousses. Et d'ailleurs, il y a des liens, je pense, assez évidents entre Total Recall et La mort aux trousses, dans le fait que c'est une course-poursuite où c'est quelqu'un qui essaie de sauver sa peau, et où, et c'est le propre de La mort aux trousses, il y a énormément de scènes gratuites dans La mort aux trousses, notamment la scène la plus célèbre, qui est celle de l'avion qui poursuit Cary Grant, alors qu'il serait évidemment beaucoup plus facile de l'assassiner dans une rue sombre, on lui donne rendez-vous en plein milieu d'un champ. Je pense qu'il y a une influence lumineuse d'Hitchcock chez Verhoeven, et pas seulement une influence morbide, parce que voilà, et donc il y a quelque chose qui me touche infiniment dans Total Recall, c'est son lien avec la partie RGN, disons, de l'œuvre d'Hitchcock. Sit down. Where's Poirot? On his way. Vous savez, les bruits qui courent sur le puits de la pyramide? Oui. Corrigan a trouvé quelque chose de bizarre dans les galeries, et depuis, il meurt de trouille. Quoi? Des stellaires? À vous de me le dire. Mais je n'en sais rien. Si, vous le savez. Et c'est pour ça que vous êtes ici. Le secret de Corrigan est enfoui dans ce trou noir qui vous sert de cervelle. Et Quato va l'exhumer. Quato, c'est vous, non? Faux. Quato est un mutant. Alors ne vous frappez pas quand vous le verrez. Ah! vous, Monsieur Quaid? La même chose que vous, je veux me souvenir. Mais pourquoi? Pour redevenir moi-même. Vous êtes ce que vous faites. Un homme se définit par ses actes et non par ses souvenirs. Venez, prenez mes mains. Maintenant, ouvrez-moi votre âme, s'il vous plaît. Ouvrez votre âme. Ouvrez votre âme. Ouvrez votre âme. Ouvrez votre âme. Ouvrez votre âme. Nicolas Parizeau, vous avez parlé du vitalisme, de l'élan vital à l'œuvre dans Total Recall. Alors là, il y a un élan vital très clair, puisque donc le personnage de Arnold Schwarzenegger, Quaid, continue sa course-poursuite, persuadé d'être un agent secret. Il se bat du côté des rebelles pour libérer Mars et donner de l'oxygène à Mars. Et il rencontre donc le chef des rebelles, donc Quato. Alors là, il faut dire quand même qu'on est vraiment dans le morbide total, dans le monstrueux total, puisque Quato, c'est en fait une sorte... C'est un bébé qui est greffé. Un bébé adulte qui ressemble à la poupée de Chucky. Oui. Donc là, c'est pas très Hitchcockien, faut le dire. Et il est greffé donc sur le corps d'un homme qui là en fait entre comme en hypnose pour que Quato puisse s'animer et puisse parler avec Quaid. Donc quand je le dis comme ça, ça paraît très absurde, mais on y croit complètement quand on le regarde. Et donc là, on a vraiment ce motif du monstrueux qui non seulement devient très esthétique, très beau, vital, mais aussi ce motif un petit peu du morbide, parce que finalement, il y a quand même ce bébé adulte. On a l'impression quand même de voir un nourrisson qui va quand même pas très bien et qui finalement, en fait, permet de penser une forme d'auto-enfantement, d'enfantement de nouvelles générations à l'œuvre dans ce film. Nouvel enfantement d'une communauté, avoir de l'oxygène et aussi avec ce personnage de Quaid qui veut redevenir lui-même, donc s'enfanter en tant que quelqu'un, comme il le veut depuis le début. Bah ça, c'est une des belles idées d'un livre de Jérôme Msilovitch sur Arnold Schwarzenegger, qui est que Arnold Schwarzenegger... en tant que adepte du bodybuilding et quelqu'un qui a voulu s'inventer lui-même, s'auto-enfanter, et qu'il y a effectivement dans Total Recall tout un tas de scènes d'auto-enfantement. Alors évidemment, bah, quand il sort de la femme dans la scène de l'aéroport, il y a des scènes où en fait, quand il est dans l'atmosphère martienne, ses yeux sont exorbités, on a l'impression qu'il va sortir de lui-même. Et puis il y a effectivement ce bébé qui est une autre forme, disons, de la réinvention de Schwarzenegger dans le film. Après, je pense que le personnage de Quato, c'est aussi ce qui fait quand même la richesse du film, c'est que ça fait partie du millefeuille. C'est-à-dire, je pense que ça doit être quelque chose qui date de l'époque Cronenberg du projet, c'est-à-dire que c'est une scène qui est plus cronenbergienne que verhoevienne, mais comme Paul Verhoeven en hérite dans le scénario, qu'il doit penser que c'est une bonne idée, il la filme de manière pas du tout cronenbergienne, c'est-à-dire que c'est pas du tout clinique, dégoûtant, enfin c'est pas quelque chose de révulsant, voilà, mais c'est comme effectivement de la vie à l'intérieur de la vie qui essaierait de sortir, quoi. Et on voit bien d'ailleurs que l'argument du film, enfin vraiment la problématique du rêve et de la réalité, ça n'est vraiment pas ça, puisque là encore une fois, c'est évacué. Quato lui dit très clairement, on s'en fiche de ce qu'il y a dans ta tête, on se fiche de tes souvenirs, de toute façon... On se définit par ses actes et non par ses souvenirs. Réplique qu'on peut trouver quand même un petit peu cucu, mais qui en même temps représente parfaitement tout le vitalisme et tout le physicalisme, si je puis dire, de ce film de Verhoeven. Oui, et puis qui va, pour le coup, complètement à l'encontre de Philippe K. Dick. C'est-à-dire que, étant donné que Philippe K. Dick, la notion de réalité, elle est totalement caduque. Ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, est pas vraiment la question. Et d'ailleurs, dans la nouvelle de Philippe K. Dick, le personnage principal est une sorte de messie, justement parce que, enfin, faut lire la nouvelle, justement parce qu'il ne fait rien et qu'il lui suffit d'exister tant qu'il existe. Les extraterrestres, enfin, n'attaquons pas la planète Terre. Donc, disons, Philip K. Dick est un auteur, disons, anti-action, quoi. Et enfin, c'est une scène effectivement très étrange. Il y a une sorte de prophétie, on dirait un petit peu une pitié. Oui, il alors, est caché en même temps. Disons que là, je pense que c'est une époque où dans les studios américains, pour donner le feu vert à un film, il fallait au moins que le monde soit sauvé. C'est-à-dire que le monde, il fallait sauver au moins plus de 10 000 personnes. Pour le film. Donc là, effectivement, il y a une histoire de prophétie, de quelqu'un qui doit sauver la planète, etc. Mais je pense qu'effectivement, Paul Verhoeven n'y croit pas trop. Par contre, effectivement, dans cette scène et aussi dans toute la question des maquillages, parce que c'est un film où il y a beaucoup de maquillage et puisque tous les personnages qui habitent Mars mutent, en fait, deviennent des mutants parce qu'ils n'ont pas assez d'oxygène. Et donc, ils ont tous, alors il y a une femme qui a un troisième sein. Alors ça d'ailleurs on la voit beaucoup, c'est-à-dire oui. Que la femme qui a trois seins, trois fois on nous fait le coup de la surprise, oui. J'ai trois seins. Oui, oui, oui. Donc il insiste beaucoup quand même sur cette femme qui est réduite à ses trois seins. En tout cas, disons effectivement, on sent que ça travaille l'inconscient de Paul Verhoeven. Ouais. Mais il y a aussi, je pense, chez Verhoeven, l'idée que où est-ce qu'il peut aller le plus loin possible dans un film mainstream américain, c'est-à-dire dans un film de studio, quel est l'endroit où il peut y avoir le plus d'effets horrifiques, le plus de violence, et c'est là où je pense que Paul Verhoeven est quelqu'un qui a connu le succès à un moment donné à Hollywood, parce que, disons, son désir de pousser les limites de ce qui était montrable dans un film commercial américain a rencontré les attentes du public qui avait envie de voir ça. Et il est probable que c'est un système qui a marché, c'est-à-dire que, disons, l'inconscient de Paul Verhoeven était en phase avec les attentes d'inconscient du public américain jusqu'à Showgirls, en gros. Là, tout s'effondre. Et qu'à ce moment-là... Et c'était trop fort. Alors ça, c'est intéressant parce que Verhoeven, dès ce film, en fait, mais même, en fait, dès Robocop, finalement, exerce une forme de critique, c'est-à-dire qu'à la fois est très premier degré, et en même temps, dans son premier degré, intègre finalement des écarts. On pourrait y voir une forme d'ironie, c'est-à-dire qu'il y a toujours des secondes lectures possibles, des troisièmes lectures possibles. Avec Total Recall, ça marche complètement, tout est montré. Et finalement, il nous jette au visage, comme il nous jetait les pubs dans Robocop au visage, il nous jette au visage tous ces monstres, ces femmes à trois seins, toute cette ambiance irrespirable. Et en fait, c'est acceptable. Et là, tout à coup, avec Showgirls, c'est plus acceptable. On refuse de voir ce qu'on voit tout le temps dans Showgirls, alors qu'on a accepté de le voir jusque-là. Mais je pense que oui, à un moment donné, la société américaine a changé et les attentes du public aussi, c'est-à-dire que... Vous pensez que c'est une question d'époque et pas une question d'esthétique de Verhoeven ou alors de manière de mise en scène où là, il serait peut-être allé trop loin ? C'est les deux, je pense qu'il y a un double mouvement. Il y a un mouvement où en fait, Verhoeven a voulu aller le plus loin possible dans le dévoilement, dans le fait de montrer tout, dans le fait de montrer que en fait la laideur, la beauté, c'était des concepts en tout cas au cinéma qui étaient très mouvants et un public qui s'est blasé de plus en plus de ce qui pouvait être choquant visuellement, c'est-à-dire que par exemple dans Robocop il y a un des personnages qui meurt, un des méchants qui meurt et il meurt parce qu'on lui balance de l'acide dessus et donc on voit sur son corps fondre, etc. C'est un moment donné où je pense que l'habileté de Verhoeven, c'est de dire je vais utiliser dans un film américain commercial une esthétique du film d'horreur, pas underground, mais disons du film d'horreur pour niche, de gens qui aiment le gore, de gens qui aiment l'extrême violence. Et Verhoeven a eu une démarche en fait assez européenne, qui a été de dire je vais rendre mainstream ce qui est entre guillemets bis, c'est-à-dire ce qui relève vraiment de genre très populaire, très méprisé. Oui, très méprisé. Ce qu'a fait Tarantino plus tard, mais de manière, je dirais Tarantino j'adore Tarantino, hein, mais il le fait de manière, je dirais, plus aseptisée. C'est-à-dire que Tarantino, c'est quand même beau. C'est film en 35 mm, c'est toujours c'est quelqu'un qui n'a pas le courage de la laideur comme Paul Verhoeven. Et ben je vous propose d'écouter Nicolas Parizeur la fin du film. Alors là pour le coup, on est vraiment dans la série B, enfin on va le dire un petit peu, c'est vraiment la série à l'eau de rose là. Don't touch that. Get away. Get back. What are you afraid of? Turn it on. Impossible! Une fois la réaction déclenchée, elle contaminerait tout le turbinium de la planète. Mars entrerait en fusion totale. Voilà pourquoi les stellaires n'en ont jamais mis en route. Et vous espérez que je vais vous croire? Qu'est-ce que j'en ai à fiche de ce que vous pouvez croire? Dans 30 secondes, vous serez mort, Quaid. Je fais exploser tout ce bazar et j'ai même le temps de rentrer chez moi pour les croissants. Je ne voulais pas que ça finisse comme ça. Je voulais récupérer Hauser, mais non! Vous vouliez absolument être Quaid! Je suis Quaid. Vous n'êtes rien! Vous n'êtes personne! Vous n'êtes qu'un rêve inepte! Tant pis. Tous les rêves ont une fin. Comme un rêve. Qu'est-ce que tu as ? Je viens d'avoir une idée horrible. Et si ce n'était vraiment qu'un rêve ? Alors dans ce cas, embrasse-moi vite avant de te réveiller. Quelle scène finale avec un petit peu d'eau de rose, avec de l'action et de l'eau de rose. Et puis finalement, avec cette question, Nicolas Parizeur, en fait, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est un film? Parce que là, il y a vraiment quelque chose sur le rôle du metteur en scène par rapport à cette idée de rêve et de mettre un point final au film. Oui, à nouveau, je pense que pour Verhoeven, la question du rêve se pose pas tellement. Enfin, ce qui se pose, c'est la question du récit et comment est-ce qu'il construit un récit à force d'énergie vitale et que... En fait, la question qui se pose, c'est comment faire tenir tout ça, quoi, et pas du tout les questions des niveaux de réalité. Bon, bah alors, on s'en tient à ça. Merci beaucoup, Nicolas Parizeur. De vous, on peut voir alors les épisodes Léonora et Damien, ces épisodes de la série En Thérapie, qui date de 2021. On les a vus cette année sur Arte, et puis aussi Alice et le maire, le film que vous avez réalisé en 2018. Merci beaucoup. Merci. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Vous écoutez France Culture et faut-il le dire, vous écoutez David Bowie, regardez des films de Paul Verhoeven, tout est génial. En attendant, il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Que nous apprend Guillaume Apollinaire ? Bien sûr, comme tous les plus grands artistes, comme tous les plus grands poètes, il y a chez Guillaume Apollinaire des leçons de philosophie très profondes, cachées dans chacun de ses poèmes, peut-être. Et nous partageons l'avis du psychanalyste Winnicott, qui dit au philosophe, en quelque sorte, si ce que tu dis est vrai, alors il se trouvera qu'un poète l'aura déjà dit. Mais que nous apprend Guillaume Apollinaire exactement sur ce point crucial de la vie humaine, qui est l'opposition, peut-être l'annulation mutuelle, oscille entre ces deux dimensions de nos vies, le plaisir et la peine et la joie. Écoutons-le lui-même dans un enregistrement certes ancien, mais d'autant plus émouvant. Au pont Mirabeau, sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Voilà le pont Mirabeau, dit, lu par Apollinaire lui-même, tout début du phonographe, des enregistrements, avant même 1920. Il est mort juste après la Première Guerre mondiale, où il s'était engagé, Guillaume Apollinaire, avec ses poèmes de guerre et ses calligrammes. Guillaume Apollinaire nous invite à une réflexion très énigmatique et avec une alternative très profonde. Quand il regrette ses amours, quand il voit le temps qui passe, comme l'eau sous le pont Mirabeau coule la Seine, il rencontre aussitôt l'alternance, on pourrait dire, de la joie et de la peine. La joie venait toujours après la peine, un peu peut-être pourrait-on dire, comme la pluie après le beau temps, ou comme le beau temps après la pluie, une alternance où tout se vaut, où finalement il y a un temps pour tout, comme dit aussi l'Ecclésiaste, un temps pour la vie, un temps pour la mort, un temps pour la peine, un temps pour le plaisir, et peut-être que tout se vaut, et que finalement la leçon de Guillaume Apollinaire, c'est que dans ce passage du temps, tout s'abolit, un peu comme le pont est vain face à l'eau qui coule sous lui, le fleuve, comme disait Héraclite, qui n'est jamais tout à fait le même. Je ne me baigne jamais dans le même fleuve. Depuis le pont Mirabeau, près de la maison de la radio, je ne regarde jamais la même scène. Et pourtant, il y a aussi autre chose dans ce poème de Guillaume Apollinaire, peut-être quelque chose de plus profond, qui se signale dans la dissymétrie entre la peine et la joie, et d'abord dans le regret de l'amour, où la joie venait toujours après la peine, c'est-à-dire ça n'est pas du tout neutre. Ce qu'on regrette, c'est ce moment où la joie était plus forte que la peine. Et dans ce regret lui-même, dans la nostalgie, dans la mélancolie du poète, la peine semble au contraire le chagrin l'emporter sur la joie. Ça n'est donc pas une alternance facile, mais c'est un combat constant. La joie l'emportait dans l'amour sur la peine, la nostalgie dans le chagrin peut faire que la peine l'emporte sur la joie. Ce n'est pas une alternance, mais toujours une polarité vitale qui doit être reprise et où dans le poème lui-même, il y a un combat entre la peine exprimée par le poème et la joie de la beauté du poème qui y résiste de l'intérieur. La joie du poète peut-être qui résiste toujours à la peine de l'amant. Merci beaucoup Frédéric, votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier qui a préparé cette émission, Manon Delasselle, Carla Michel, Adèle Van Rett, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, avec à la réalisation Laurence Malonda et à la prise de son aujourd'hui, Maïwenn Le Géant et Bernard Gabé à la lecture des textes toute cette semaine. Pour écouter ou réécouter cette émission sur le film Total Recall, mais aussi toutes les émissions de notre série sur Paul Verhoeven, cinéaste de l'ironie ou pas, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Je vous donne rendez-vous également demain pour notre émission du vendredi sur les objets inattendus de la philosophie. Et demain, nous parlerons du BDSM. Et oui, bondage, discipline, domination, soumission, sadomasochisme. Ce sera en compagnie de la philosophe Manon Garcia qui vient de publier son livre « La conversation des sexes, philosophie du consentement ». À demain.